Il y a l'heure dans le cœur d'une montre arrêtée dans cet envolé, a cessé de couler. Les jours passent comme de l'eau à mes pieds immobiles. De grandes roues dentelées semblent me regarder. L'amour suit son Le maître a dit aimer. La rivière chante quand je chante. La nuit va s'allonger au fond de la vallée où le jour l'a quitté. Des lions dorment à mes pieds près du feu allongé, près d'un loup solitaire qu'ils aiment comme un frère. L'amour suis son cours et le cours à son jour. Le maître dit respirer au loin, il passe des trains qui jamais ne m'emmènent dans la gare oubliée. La ville est souvenir, en vain chante ses trains, et je sais où il mène, dans la gare désertée, chante un autre avenir. L'amour suit son cours, et le cours à son jour. Le maître a dit rester. Les eaux le coulent des branches qui doucement se penchent sous les lueurs du ciel, tendrement reflétées. Si parfois une rose semble dire quelque chose, chuchoter au cœur, et seulement quand elle ose, pas besoin d'autre chose. Pense aux têtes et qui m'osent, ne pense plus à ces choses. C'est là que tu te poses. Ton voyage t'alourdit, oiseau du paradis. Et le cours d'aujourd'hui, c'est va donc la retrouver. Donc la retrouver, va la retrouver, va la retrouver.